si la maladie de Parkinson est reconnue depuis près de 5 ans comme une maladie professionnelle pour les agriculteurs en lien avec leur contact prolongé avec les pesticides, une étude publiée il y a 15 jours par l'agence Santé publique France indique que les risques accrus de développer cette maladie neurodégénérative incurable ne concerneraient pas que les agriculteurs, mais également les riverains des exploitations agricoles et plus particulièrement viticoles. Lorsque l'on sait qu'en 25 ans, le nombre de cas de maladie de Parkinson a été multiplié par 2, quel avenir pour les patients ? La maladie de Parkinson, c'est le sujet que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire le point sur ce que la recherche nous permet de savoir aujourd'hui sur les causes, les traitements et le dépistage de cette maladie, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie Vidaillet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue responsable de la coordination du groupe de recherche et contrôle moteur à l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. C'est à la Pitié-Salpêtrière, également à Sorbonne Université. Bonjour Étienne Hirsch. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, directeur de recherche CNRS, chef de l'équipe thérapeutique expérimentale de la maladie de Parkinson à l'ICM également. Également directeur de l'Institut des neurosciences, neurobiologie et psychiatrie à l'INSERM, c'est cela ? C'est cela. Voilà, vous pouvez suivre comme chaque jour cette émission sur les ondes de France Culture et en complément sur notre fil Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors, je le disais dans cette introduction, deux fois plus de cas en 25 ans, des prévisions qui vont peu ou prou dans le même sens. J'ai lu aux alentours d'un cas pour 120 pour les personnes âgées de plus de 45 ans d'ici 2030. Alors, est-ce que c'est un effet d'optique qui serait dû bien au vieillissement de la population, à une meilleure diagnostic aussi, à une meilleure prise en charge du diagnostic de ces populations-là, ou est-ce qu'il y a aussi une réalité liée aux facteurs environnementaux comme l'exposition aux pesticides, Marie Vidaillet ? Alors en fait, vous avez mis le doigt sur les trois choses importantes. La première chose, c'est effectivement, il va y avoir pratiquement plus 50% de personnes atteintes de maladie de Parkinson d'ici 2030. Alors ça n'est pas une épidémie, c'est simplement parce que la population a une longévité accrue et donc à un temps donné, le nombre de personnes atteintes de la maladie de Parkinson sera plus élevé puisque les gens survivent, ce qui est une bonne chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une très légère augmentation de l'incidence, c'est-à-dire du nombre de nouveaux cas de maladie de Parkinson. Les causes n'en sont pas toutes connues. L'une d'entre elles, effectivement, sont les facteurs environnementaux, parmi lesquels vous avez insisté sur ces facteurs pesticides. Et justement, la nouveauté, c'est le fait que non seulement les personnes qui ont vraiment en contact direct par l'agriculture, mais aussi les personnes qui sont dans l'environnement immédiat, le même village, la même ville, peuvent être également exposées au risque. C'est très important. La troisième chose, c'est qu'effectivement, il y a une meilleure approche du diagnostic et les neurologues, les médecins de famille sont mieux formés et ont une conscience plus accrue, ainsi que le grand public d'ailleurs, du diagnostic de la maladie de Parkinson qui n'est plus résumé au simple tremblement de repos qui est extrêmement réducteur. Et on va voir effectivement toute la symptomatologie, on va voir qu'elle est diverse et qu'elle elle s'est affinée avec le temps. Étienne Hirsch, un complément, peut-être un mot pour dire, on a parlé des pesticides, il y a d'autres facteurs environnementaux qui ont été identifiés ou c'est encore incertain ? Oui, alors il y a d'autres facteurs environnementaux qui ont été identifiés et en particulier dans les Caraïbes, hein, en Guadeloupe, en Martinique, on se rend compte qu'il y a des formes un petit peu particulières de la maladie de Parkinson. En France métropolitaine, 80% des cas de maladie de Parkinson sont des cas classiques et il y a 20% de formes un petit peu anormales. Dans les Antilles françaises, c'est exactement l'inverse. Et on a pu identifier en fait des composés qui sont dus à des habitudes, à la médecine traditionnelle en fait, qui conduisent probablement à ces cas de maladie de Parkinson. Et on a même pu identifier un composé chimique qu'on appelle l'anonacine, qui fait partie d'extraits de Corosol qui sont utilisés dans la médecine traditionnelle. Si on injecte ce composé à un rat de laboratoire, on va reproduire la maladie. D'autres facteurs environnementaux à signaler, Marie Vidaillet ? Alors je pense qu'il faut aussi favoriser les facteurs environnementaux qui diminuent le risque de la maladie de Parkinson. Il faut avoir le petit côté optimiste de l'affaire. Et donc parmi ceux-ci, des choses non spécifiques, telles que l'exercice physique, la consommation de caféine, le tabac, mais on ne le recommande pas, bien sûr. Non, c'est ça, ce sera bien la première fois. Ce que je me disais en préparant cette émission, ce serait bien quand même la première fois qu'on va conseiller aux gens de continuer à fumer, parce que en général, le tabac est plutôt un facteur aggravant dans la plupart des maladies dont on traite. Eh bien, il s'agit pour le coup d'un facteur de diminution. Pour quelle raison d'ailleurs ? Alors en fait, à cause de la nicotine, puisque c'est quelque chose qui agit, et Tianir, je pourrais en dire un mot sur l'action dopaminergique, mais il ne faut pas considérer que ceci est un traitement, et encore moins que le fait de fumer est une méthode préventive, car les risques cardiovasculaires, neurologiques par exemple, l'accident vasculaire, sont bien plus élevés. Et pulmonaire, n'en parlons pas. Si on veut mourir d'un cancer du poumon, il suffit de fumer. Voilà. On peut consommer beaucoup d'aubergines par exemple, il y a de la nicotine dans les aubergines et c'est moins dangereux pour la santé. Alors on peut consommer les aubergines pour d'autres raisons, mais je pense qu'il faut surtout penser que l'exercice physique est un point très important parce qu'il diminue vraiment ce risque-là. Et ça, c'est un point non spécifique. La deuxième chose, effectivement, il y a des choses qui ont été marquées, comme l'utilisation de poivrons, d'aubergines, etc. Mais il faut en manger quand même des kilos. Donc, bon, on n'en est pas là aujourd'hui. Ceci étant, ce sont des facteurs pharmacologiques qui peuvent agir. Quelles sont les données épidémiologiques dont on dispose aujourd'hui peut-être au niveau national pour commencer, et puis ensuite on essaiera d'élargir un peu le périmètre. Qui peut répondre à ça, Marie Vidaillet ? Oui, alors on a une justement grâce à Santé France, on a vraiment une très très bonne observatoire sur le nombre de personnes, qui est environ de 150 000, et puis ceci s'affine au fur et à mesure. On a aussi des données sur le fait qu'il y a des sujets qui peuvent être très jeunes, et là aussi c'est très méconnu parce que l'image qui est projetée dans le grand public et le fait que c'est une maladie du sujet âgé. Or, en fait, malheureusement, il y a des gens qui peuvent commencer vers 40 ans, 50 ans, et il existe même exceptionnellement, et surtout dans des formes génétiques, des formes qui sont très juvéniles, comme 20 ou 30 ans. Mais qui sont très très rares. Sont très très rares, et effectivement qui attirent un soin tout particulier à la fois des médecins, car ce sont des formes subtiles à soigner, et des chercheurs, car grâce ou à cause, et selon grâce à ces découvertes de maladies génétiques, on a pu petit à petit percer certains mécanismes de la maladie de Parkinson, tels que la parkine, qui va interférer avec la mitochondrie, dont Étienne Hirsch dira probablement beaucoup de choses. On en parlera tout à l'heure. Et l'alpha-synucléine, qui elle aussi est très connue maintenant comme étant un facteur important. Étienne Hirsch. Je crois aussi que dans l'identification de la maladie de Parkinson, il y a une très grosse difficulté. Parce que la maladie de Parkinson, comme toutes les maladies neurodégénératives, est caractérisée par une mort des neurones. Mais notre cerveau, il est très très bien fait. C'est-à-dire que les signes cliniques de la maladie vont apparaître au-delà d'un certain seuil de mort des neurones. Avant, les meilleurs cliniciens, même comme Marie Vidaillet, je crois que vous n'êtes pas capable d'identifier la maladie de Parkinson lorsqu'il y a un tout petit nombre de neurones qui ont dégénéré. Parce que notre cerveau est capable de compenser, les neurones qui survivent vont travailler plus pour masquer les symptômes. Et ça, c'est une difficulté pour identifier la maladie. Et on verra que c'est important justement concernant le dépistage et les dépistages précoces du fait de cette phase asymptomatique liée effectivement, comme vous venez de noter, à la plasticité cérébrale. Que peut-on dire d'autre en termes épidémiologiques? Est-ce que aujourd'hui, on a dit il y a plus de cas? Est-ce qu'il y a plus de cas peut-être également parce que le dépistage a fait tout de même des progrès? Il faut le repréciser, Marie Vidaillet. Je pense que effectivement, le dépistage a fait des progrès. Dans la mesure où non seulement les gens vont plus volontiers venir chez le médecin, car autrement on ne peut pas les découvrir s'ils ne se manifestent pas. D'autre part, on connaît maintenant des troubles neurologiques qui ne ressemblent pas à la maladie de Parkinson, mais qui peuvent en être la porte d'entrée, comme certains troubles du sommeil. Par exemple, professeur Isabelle Arnulf, dans notre équipe, et à la Pitié-Salpêtrière, a étudié des troubles du sommeil. Et ces troubles du sommeil sont exceptionnellement importants. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de gens qui vont vivre leurs rêves en faisant des mouvements, les mêmes mouvements qu'ils font dans leurs rêves, mais vous et moi, enfin je l'espère, nous sommes parfaitement calmes pendant nos rêves, et ça nous permet de faire les choses les plus folles à ce moment-là. En revanche, si vous êtes atteint de ce trouble-là, qui s'appelle les troubles du comportement en sommeil paradoxal, c'est-à-dire pendant le sommeil de rêve, vous allez chasser le tigre et allonger un bon coup de poing sur le nez du voisin, et non pas du tigre. Donc ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que premièrement, c'est une porte d'entrée dans la maladie. Et donc, on va avoir des symptômes. Et dessous, on pourra voir qu'il y a déjà une perte dopaminergique. Donc, on sait ce qui se passe avant même qu'il ne se passe quelque chose. Et d'autre part, c'est un modèle assez impressionnant qu'on aimerait bien reproduire dans la thérapeutique, puisque les personnes qui ont ce type de trouble pendant leur sommeil, et même lorsqu'ils ont développé une maladie de Parkinson, gardent une motricité normale. Ça veut dire que c'est un petit peu Blanche-Neige. Ce sont des personnes qui, pendant qu'ils sont endormis, vont avoir une motricité normale. Et si on arrivait à reproduire pendant l'heure, en les réveillant, la même motricité normale, alors on aurait remis en route cette circuiterie qui n'est pas détruite, mais simplement modifiée. Donc ça, c'est un espoir pour l'instant encore très lointain, mais c'est une très jolie piste. Une piste de recherche, effectivement. Isabelle Arnus, que nous avons reçue à plusieurs reprises d'ailleurs à ce micro. Peut-être un mot, vous avez évoqué tout à l'heure, Étienne Hirsch, une prévalence dans la population des Caraïbes. Est-ce que c'est une maladie qui a également bien des implications socio-économiques ou des implications ethniques? Est-ce qu'on sait qu'il y a certaines parties de la population qui sont plus touchées que d'autres? Non, il y a des anciennes études qui montraient que dans la population de sujets à peau foncée, il y avait plus de maladies de Parkinson que chez les Caucasiens. On sait maintenant que c'est dû à des erreurs, en fait. C'est tout simplement que les gens consultaient moins. Et en particulier aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, ils allaient moins chez le neurologue et donc il y avait moins de diagnostics. Mais a priori, donc en fonction de l'ethnicité, il n'y a pas de grande différence en ce qui concerne la maladie de Parkinson. Marie Daillet. Non, je crois que par exemple, ça a été fait dans le monde entier. Et justement, ces études épidémiologiques sont très importantes puisqu'elles montrent que pratiquement la prévalence est la même partout. C'est-à-dire, en fait, le nombre de gens qui vont être à une tranche d'âge donnée. Ceci étant, c'est très difficile dans certains pays d'avoir une vision exacte puisqu'elle va dépendre du régime de soins et donc, en fait, de l'accès aux soins des personnes. Alors, évidemment, ou des priorités de santé publique. Effectivement, si les maladies infectieuses sont au premier rang, la maladie de Parkinson ça ne sera pas dans les priorités. Et pas de discrimination non plus en fonction du genre ? Alors en fonction du genre, non. En revanche, la maladie de Parkinson est un petit peu plus fréquente chez l'homme que chez la femme. Une dernière question à ce propos, puisque vous parlez de discrimination et de priorité en termes de santé publique. Le 11 avril dernier, c'était la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Est-ce que cette maladie qui touche aujourd'hui, qui est la deuxième cause de handicap moteur chez l'adulte après les accidents vasculaires cérébraux, est-ce que cette maladie neurodégénérative souffre un peu, dans une certaine mesure, de l'extrême effort qui est porté sur la maladie d'Alzheimer, Étienne Hirsch? Alors, il y a un plan qui a été lancé en 2014, qui se terminera en 2019, qui est le plan maladie neurodégénérative. Et il a fait suite à trois plans sur la maladie d'Alzheimer et la volonté du gouvernement de l'époque, et qui a été repris par le gouvernement actuel, et de mutualiser les efforts sur les maladies neurodégénératives. Et les maladies qui font partie de ce plan, ce sont évidemment les troubles cognitifs, la maladie d'Alzheimer, les maladies apparentées, la maladie de Parkinson, qui nous intéresse aujourd'hui, est la sclérose en plaques. L'idée derrière ce plan est qu'il y a des mécanismes communs de dégénérescence, c'est-à-dire qu'il y a des neurones qui dégénèrent dans ces maladies et qu'on a intérêt à mutualiser les efforts pour trouver de nouvelles pistes thérapeutiques pour ces maladies. Ce sont néanmoins des maladies qui ont des fonctionnements extrêmement, extrêmement diverses. Bien sûr, les tranches d'âge sont différentes, bien qu'il y ait des formes relativement juvéniles de maladie d'Alzheimer, ce sont des sujets parfois plus âgés. Dans la maladie de Parkinson, la moyenne d'âge c'est autour de 60 et quelques années, mais vous avez des plus jeunes et vous avez des plus âgés. Et le diagnostic est d'ailleurs très difficile chez un sujet âgé qui peut être polypathologique. Et puis la sclérose en plaques est quand même une maladie plus fréquemment féminine et bien sûr beaucoup plus jeune. Donc ce sont les mêmes médecins, mais la porte d'entrée est différente. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons de la maladie de Parkinson tout au long de cette heure en compagnie de Marie Vidaillet et Étienne Hirsch. Alors on va peut-être revenir à la source de cette maladie. Qu'est-ce que c'est que la maladie de Parkinson? Pourquoi porte-t-elle ce nom? Quand a-t-elle été décrite pour la première fois, Étienne Hirsch? Alors, la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative avec une mort de neurones. Pendant très très longtemps, on a pensé que cette cette mort neuronale était confinée à des neurones dans une région du cerveau qu'on appelle la substance noire, parce qu'elle est pigmentée. Alors, lorsqu'on coupe cette région du cerveau, il y a de la neuromélanine, comme la mélanine cutanée. Et on sait maintenant, en fait, que les neurones dégénèrent dans d'autres régions du cerveau, voire même en périphérie, hein, puisque parmi les troubles qui apparaissent relativement précocement, il y a la constipation. Donc, on pense que les nerfs périphériques sont aussi atteints par cette maladie. Alors, elle porte le nom de maladie de Parkinson parce que c'est le docteur Parkinson qui l'a décrit initialement en Angleterre. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que cette maladie, lorsque les neurones meurent, il y a un stigmate histopathologique qu'on rencontre dans ces neurones, qu'on appelle les corps de Lévy, qui ont été décrits par un neuropathologiste allemand. Et la mort des neurones dopaminergiques a été identifiée, enfin des neurones dans la substance noire, a été identifiée pour la première fois en France, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, par un jeune neurologue qui s'appelait Tretiakov. Donc c'est international, c'est européen, c'est une découverte britannique avec des Allemands, et puis la France est impliquée aussi. Que se passe-t-il, Marie Vidéia, justement, dans ce processus de neurodégénérescence dans cette zone noire du cerveau? Quels sont les mécanismes? Est-ce qu'on les connaît exactement? Alors les mécanismes, ils sont multiples et probablement pas tout à fait les mêmes pour chacun des sujets. C'est un peu un cocktail de mécanismes, de dysfonctions et de dysfonctionnements parfois en cascade. Je pense qu'Étienne Hirsch pourrait en dire un mot de plus. Mais je vais peut-être revenir à ce qu'il a dit auparavant, qui était justement cette fameuse substance noire et en fait le fait que la maladie peut commencer dans d'autres parties du corps. Et ça, c'est très intéressant parce que il y a plusieurs choses qui peuvent être étudiées au cours du temps et qui peuvent être aussi présents chez les sujets, ce qu'on appelle les signes non moteurs. Et parmi les signes non moteurs, il y a ces fameux troubles digestifs avec cette constipation. Il y a les troubles du sommeil dont nous avons déjà parlé et dont la structure, et nous y reviendrons, est dans le tronc cérébral avant, en dessous de la fameuse substance noire. Et puis, il y a des choses beaucoup moins connues, comme par exemple des troubles de l'olfaction, où les gens ne sentent plus très bien certaines odeurs, et même des troubles de la vision des couleurs. Et donc, tout récemment, dans Neurology, vient sortir un article montrant le fait que l'on pouvait détecter ces troubles de la vision des couleurs avec des petits pois de couleurs, comme ça, et qui est un très bon signe. D'ailleurs, certains sujets atteints de maladie de Parkinson se plaignent également de troubles de la vision des contrastes. Et donc, je leur déconseille, par exemple, de conduire entre chien et loup ou de nuit, car ils ne voient pas bien la profondeur de champ dans les différentes couleurs de gris. Donc, en clair, à partir de tout ça, on a créé une sorte de gradation qu'on a appelée une progression. C'est peut-être pas tout à fait vrai parce que c'est pas la même peut-être pour chaque personne, mais ça nous permet de mieux comprendre comment la maladie se développe ou éventuellement même se propage. Et donc, de là, on va détecter les mécanismes et les structures atteintes et nous y reviendrons. Bien sûr, dans les marqueurs. Et ça, c'est effectivement pour une symptomatologie très, très complète. Étienne Hirsch, une pré-symptomatologie pourrait-on dire, hein, parce que la symptomatologie, elle est évidemment, on va y revenir dans un instant. Mais Étienne Hirsch, peut-être un mot. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous l'évoquez, il y a des études physiques publiées sur aujourd'hui une neurodégénérescence qui serait une neurodégénérescence intestinale, puisqu'il faut rappeler que les intestins ont plusieurs centaines de millions de neurones. On en a largement parlé ici autour de cette table. Oui, ce sont des études en particulier qui sont faites par des équipes nantaises, hein, l'équipe du docteur Pascal Derkinderen à l'hôpital de Nantes, qui montre qu'il y a une atteinte en fait de l'innervation des intestins avec ces fameux stigmates histopathologiques, les corps de Lévy, qui sont constitués en fait d'une protéine, principalement d'une protéine qu'on appelle l'alpha-synucléine, qui est particulièrement intéressante et particulièrement étudiée actuellement pour comprendre les mécanismes de la dégénérescence dans la maladie de Parkinson. Donc la maladie de Parkinson, c'est l'accumulation hein, de l'agglomération de cette protéine, l'alpha-synucléine, dans cette substance noire du cerveau. C'est ça qui crée la maladie et qui tue ces neurones dopaminergiques. C'est ça le système, la mécanique. C'est un des éléments qui va concourir à la dégénérescence des neurones. En effet, il y a cette accumulation de protéines anormale, hein, qui va prendre une conformation anormale, qui va s'accumuler dans les neurones. Et depuis une petite dizaine d'années maintenant, on sait que cette protéine va même pouvoir être transmise de neurone à neurone. L'identification a été faite chez des patients atteints de maladie de Parkinson qui ont été greffés avec des cellules fœtales dans leur cerveau. Et les chercheurs qui ont étudié le cerveau de ces patients parkinsoniens après leur mort ont pu montrer que cette protéine alpha-synucléine avait en fait attaqué le greffon, c'est-à-dire que dans des cellules toutes jeunes, qui avait une dizaine d'années seulement, on retrouvait cette protéine alpha-synucléine. Et ceci a conduit à l'hypothèse que l'on appelle prion-like de protéine qui va pouvoir passer, comme dans le prion, les maladies à prion, comme dans la vache folle, d'un neurone à un neurone. Et donc ça ouvre des pistes thérapeutiques extrêmement intéressantes. Ça permet de mieux comprendre le mécanisme de dégénérescence des neurones, mais ça permet d'envisager d'empêcher cette protéine de passer de neurone en neurone, et ça peut aussi servir d'outil diagnostique précoce. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui des raisons du déclenchement de cette accumulation de protéines alpha-synucléine qui est, rappelons-le, hein, vous le disiez Étienne Hirsch, mal conformées, puisque les protéines ont une certaine forme en trois dimensions dans l'espace, et il suffit que cette forme se modifie un petit peu pour que les fonctions de la protéine soient complètement transformées. Est-ce que l'on sait quel est le déclencheur ? Alors, on ne connaît pas le déclencheur dans toutes les formes de maladies de Parkinson, je crois que c'est clair. Par contre, certaines formes familiales avec des duplications, voire des triplications du gène qui code pour cette alpha-synucléine, ont montré qu'il y avait une accumulation. Et puis, chez l'animal, lorsqu'on va faire surexprimer cette protéine, on va favoriser en fait l'accumulation de cette protéine. Dans les formes sporadiques de la maladie de Parkinson, on ne sait pas, on a quelques pistes, hein, il est tout à fait possible que ce qu'on appelle des modifications post-traductionnelles de la protéine, c'est-à-dire des modifications soit par des radicaux libres, soit par l'ajout de sucre sur la protéine, en fait, puissent concourir à ces changements de conformation. Et là, on revient à certains facteurs de risque, comme le vieillissement, par exemple. Au cours de notre vie, on va accumuler la production de radicaux libres. En particulier dans la substance noire des patients atteints de maladie de Parkinson, il y a une augmentation de fer qui est un puissant pro-oxydant. Et il est fort possible que ces facteurs jouent un rôle dans le déclenchement de ce changement de conformation d'alpha-synucléine. Puisqu'il faut rappeler, aussi curieux que cela puisse paraître, que le vieillissement est un facteur environnemental dans les maladies. En l'occurrence, un mot peut-être, Marie Vidaillet, sur la susceptibilité génétique. On sait que la maladie de Parkinson n'est pas à proprement parler héréditaire, mais qu'il y a en revanche des susceptibilités génétiques, certains variants dont on sait qu'ils augmentent la probabilité de développer la maladie. Oui, je pense que cette susceptibilité génétique, c'est à la fois un élément qui a nourri la recherche, qui va peut-être nourrir la thérapeutique. Alors, on va en prendre un exemple, par exemple, qui est l'exemple du GBA. Alors, c'est une enzyme qui s'appelle la glucocérébrosidase, ça fait un peu grande limace, hein, qui en fait donne une maladie extrêmement rare qu'on appelle la maladie de Gaucher. Mais dans certaines formes de maladie de Parkinson, et peut-être plus qu'on ne pense, il y a des gens qui vont avoir une diminution de l'activité de cette enzyme. Certes, pas au degré de la maladie rare, mais une diminution quand même. Et donc, certains sujets vont même avoir une mutation sur le gène qui code pour cette protéine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un facteur de risque de la maladie de Parkinson, mais un facteur de risque intrinsèque de la personne. D'autre part, eh bien, il y a actuellement des essais thérapeutiques qui essaient de supplémenter en enzymes, dans l'enzyme correspondant, c'est-à-dire cette fameuse GBA, pour essayer de remettre un peu les niveaux au bon niveau. Évidemment, ce sont des études en cours, donc je ne peux pas vous dire ce qu'on va en tirer, mais c'est une piste. Donc ça, c'est très important d'avoir justement cette connaissance des formes génétiques, parce que maintenant, nous en sommes au point où nous essayons d'avoir de la médecine qu'on appelle de précision ou personnalisée, et pour un petit nombre de cas, essayer de déterminer le profil de la personne, incluant son profil génétique, sa signature, certaines fois permettant d'offrir un traitement plus spécifique, ou en tout cas plus ciblé. Étienne Hirsch, il y a des gènes en particulier dont on sait que certains variants donnent mathématiquement ou en tout cas statistiquement une susceptibilité légèrement supérieure. Ce ne sont jamais des grandes susceptibilités. On est à 2,5 fois de plus que quelqu'un qui ne présente pas ces variants. Ce sont des, je veux dire, en génétique, ce sont des susceptibilités assez assez faibles. Ce sont des susceptibilités assez faibles. Parmi les candidats, il y a évidemment celui qu'a mentionné Marie Vidaillet, hein, GBA, mais il y en a d'autres. Et on retrouve le gène de l'alpha-synucléine, par exemple. Mais on retrouve d'autres gènes qui sont en lien avec la mitochondrie. La mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule. C'est ce qui permet aux neurones de fonctionner correctement. Il faut savoir que le cerveau, en fait, dans tout l'organisme, c'est l'organe qui utilise le plus d'énergie. Donc, il est très, très sensible à un déficit énergétique. Et beaucoup de composés environnementaux ou de gènes, de facteurs de susceptibilité, en fait, vont aller vers la mitochondrie. Et ce facteur dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui est à l'origine de ce syndrome parkinsonien atypique des Caraïbes, c'est un poison de la mitochondrie. Certains pesticides sont des poisons de la mitochondrie. Et de la même façon, certains gènes ou certains variants de gènes vont jouer un rôle sur le fonctionnement mitochondrial. Il y a aussi d'autres gènes complètement différents qui sont impliqués non pas dans les neurones, mais dans les cellules non neuronales dans le cerveau. Pour rappel, il y a des cellules gliales, en particulier des macrophages cérébraux, qui sont des cellules de l'immunité. Il y a aussi des lymphocytes qui viennent de la périphérie. Et certains gènes de susceptibilité sont dans le complexe HLA-DR, et donc il y a un lien avec la neuroinflammation. Et si vous avez des questions sur les cellules gliales, nous allons vous mettre tout de suite sur le fil Twitter de l'émission. Eh bien, l'émission que nous avions consacrée aux cellules gliales avec Yves Agide, quelqu'un que vous connaissez peut-être un peu. C'était autour de cette table. On va vous remettre le lien vers l'émission. Et puis, on va reparler là dans un instant de ce que peuvent nous renseigner, la façon dont les mégadonnées hospitalières, le big data, peut nous donner des informations aujourd'hui sur la distribution de cette maladie de Parkinson et sur les liens qu'il peut y avoir avec d'autres types de pathologies. On en parle tout de suite. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Through Dopamine de Hein Cooper sur France Culture à 16h30, puisque nous parlons de la maladie de Parkinson tout au long de 7h, et donc une maladie de Parkinson qui touche, vous l'avez entendu dans la première partie de cette émission, les neurones dopaminergiques, d'où le lien avec le morceau du jour. Nous en parlons avec Marie Vidaillet, qui est neurologue, responsable de la coordination du groupe de recherche et contrôle moteur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à la Pitié-Salpêtrière, pardon, également à Sorbonne Université, avec Étienne Hirsch, qui est neurobiologiste, directeur de recherche CNRS, chef de l'équipe thérapeutique expérimentale de la maladie de Parkinson à l'ICM et directeur de l'Institut des neurosciences de neuroanalyse de psychiatrie à l'INSERM. Alors aujourd'hui, eh bien, on l'a dit à l'instant, les mégadonnées hospitalières permettent, les big data, comme on dit en anglais, permettent un meilleur suivi, une meilleure prise en charge des patients atteints de la maladie de Parkinson, mais elles permettent également de tirer un certain nombre d'observations via l'analyse de cohortes massives et très importantes de patients. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes intéressé au projet Sémaphore qui est en cours justement à l'ICM. Et je suis allé rencontrer un des responsables de ce projet qui est Stanley Durleyman. Il est chercheur à l'INRIA et à l'ICM à la Pitié-Salpêtrière. Et nous avons parlé de ce projet qui repose sur l'intelligence artificielle. L'idée du projet Sémaphore, c'est de mettre en place un modèle personnalisé de suivi de la progression de la maladie de Parkinson grâce à toute une variété de données recueillies auprès des patients, que ce soit des données cliniques, génétiques ou d'imagerie cérébrale, entre autres. Le recueil de ces données, il a pour but d'identifier des biomarqueurs pour suivre la progression des dommages cérébraux subis pendant la maladie, voire avant son apparition, mais aussi de détecter des marqueurs de la maladie chez les personnes à risque. L'idée du projet Sémaphore, c'est d'avoir la rencontre entre des neurologues de l'ICM, de la Pitié-Salpêtrière, donc Marie Vidaillet, Jean-Christophe Corvol, et des neuroradiologues comme Stéphane Lurici, qui travaillent depuis de nombreuses années sur cette maladie, et qui ont entendu parler des travaux qu'on faisait, qui se sont dit, tiens, est-ce que les méthodes mathématiques, informatiques qu'on développe ne seraient pas utiles pour nous, pour mieux comprendre la maladie, mieux la prendre en charge, mieux prédire son décours temporel, donc changer un petit peu la façon dont on prend en charge les patients aujourd'hui. Vous êtes mathématicien et informaticien de formation et de métier. Qu'est-ce qu'un mathématicien, un informaticien a à voir avec la maladie de Parkinson ? Oui, effectivement, le lien n'est pas évident a priori. On parle beaucoup aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Une grande partie de nos recherches qu'on fait aujourd'hui pourrait rentrer sous ce qu'on appelle aujourd'hui effectivement l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que ce champ disciplinaire peut apporter à des médecins, à des cliniciens ? Je crois que c'est justement la complémentarité entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est des personnes extrêmement savantes, chevronnées, qui travaillent depuis de nombreuses années, et pourtant qui n'arrivent pas forcément toujours à comprendre la complexité de cette maladie, et notamment pourquoi certains patients peuvent avoir un décours temporel de la maladie qui est aussi différent d'un autre, et quels sont les déterminants, comment peut-on catégoriser les patients ? Comment peut-on prédire effectivement l'apparition, par exemple, de syndromes cognitifs, en plus des syndromes moteurs de la maladie, par exemple. L'idée, c'est de dire qu'une si intelligence humaine, aussi savante soit-elle, et avec autant d'expérience, n'arrive pas à forcément apporter de réponses satisfaisantes à ces questions-là, est-ce que les mathématiques et l'informatique ne peuvent pas digérer une quantité d'informations très grande, trop complexe, et en restituer quelque chose au praticien, qui va pouvoir l'aider à mieux comprendre la pathologie qu'il étudie, et l'aider à peut-être prendre des décisions plus informées sur la façon dont on doit prendre en charge les patients. Qu'est-ce que vous allez aller chercher dans ces données tirées des patients atteints de la maladie de Parkinson, et comment vous allez faire parler ces données ? Une des spécificités d'une maladie comme la maladie de Parkinson, c'est que c'est une maladie donc qui est progressive, une maladie qui évolue sur de très longues périodes de temps dans la vie des individus. C'est là où justement les approches traditionnelles de l'intelligence artificielle, qui ont eu des très grands succès ces dernières années, en vision par ordinateur, en synthèse du langage par exemple, ne peuvent pas s'appliquer de but en blanc. C'est pour ça qu'on a besoin effectivement de mathématiciens, d'informaticiens, pour mettre au point de nouvelles méthodes qui vont permettre de comprendre comment la maladie se manifeste au cours du temps sur les différents plans. Donc sur le plan effectivement des lésions qui s'accumulent dans le cerveau et qu'on peut voir à l'imagerie, et sur le plan des symptômes qui apparaissent progressivement. Quel est le schéma spatio-temporel de propagation des lésions à travers les différentes régions du cerveau, et comment ce motif de propagation des lésions induit l'apparition successive de certains types de symptômes, qui peuvent être de type moteur, de type cognitif ou d'autres. de type dépressif, etc. Donc il s'agit de mettre en relation effectivement donc des données de sources différentes entre ce qu'on voit à la radiologie dans le cerveau et ce qui se manifeste dans le comportement des individus et de comprendre l'enchaînement temporel de ces différents événements, sachant que justement la grande question c'est que tout le monde ne développe pas la maladie de la même manière. Donc est-ce qu'on peut comprendre l'hétérogénéité de la manifestation de la maladie chez des patients différents? Et puis, bien sûr, on se dit, si on est capable de bien décrire le décours temporel, est-ce qu'on est capable de prédire, évidemment, quel va être ce décours temporel dans les 6 mois, l'année, les 2 ans à venir? Et qu'est-ce que cette information peut-elle changer dans la façon de prendre en charge les patients? Quelle peut avoir, finalement, comme implication un tel projet sur la médecine de demain? Est-ce que ça, vraiment, vous avez l'impression, par votre innovation, de déjà préparer le terrain pour la médecine prédictive, la médecine de demain? Il existe dans cette maladie, heureusement, des traitements. Il existe une prise en charge. Cette prise en charge, aujourd'hui, est assez peu personnalisée. Et elle peut avoir, par exemple, un certain nombre d'effets secondaires. Est-ce qu'on est capable de prédire que tel type de patient, selon son profil évolutif, est plus à même de développer ses effets ou non? Et en quoi cette prédiction, effectivement, peut-elle changer la façon de prescrire peut-être certains traitements à certaines personnes? On sait que dans la maladie de Parkinson, on peut aussi, à un stade avancé de la maladie, être éligible à une stimulation cérébrale profonde. Voilà, il se trouve que est-ce qu'on serait capable d'anticiper la réponse de cette chirurgie chez les patients? Certains répondent très bien, d'autres moins bien. C'est un acte évidemment chirurgical extrêmement lourd. Est-ce qu'on serait capable d'identifier à l'avance, effectivement, les profils des patients qui seront les mieux à même de répondre à cet acte chirurgical, sur la base, par exemple, d'un profil évolutif particulier de ces symptômes sur les dernières années? Et où est-ce que vous en êtes de la phase de développement du projet Sémaphore? Donc aujourd'hui, on est à effectivement construire les premiers, donc on appelle un modèle numérique de progression de la maladie. Donc c'est une synthèse artificielle, finalement, par l'ordinateur, qui nous dit, en fonction de tous les patients que j'ai vus répéter dans le temps, je suis capable de vous dire effectivement que, en gros, le profil évolutif du patient est celui-ci. Je dirais qu'il n'est pas une surprise, mais par contre, aussi, il est capable de dire, sur des catégories de patients, effectivement, ce scénario va changer et va se manifester de façon différente. Et donc là, maintenant, il s'agit de comprendre effectivement quels sont les déterminants de cette variation. Est-ce qu'on peut prédire effectivement si tel patient a plutôt un tel type de profil ou un autre? Voilà comment les big data permettent de renseigner la science et la recherche sur la maladie de Parkinson. Une réaction l'un et l'autre à ce reportage que vous venez d'entendre? Qui veut commencer? Marie Vidaille. Oui, je pense que c'est une manière très claire d'exposer quelque chose de complexe et c'est impressionnant. Alors en fait, c'est vrai que on part d'un certain nombre de données qui sont des données d'observation fournies par les personnes atteintes de la maladie de Parkinson elles-mêmes. C'est-à-dire en fait des gens qui se sont portés volontaires pour un premier recueil de données, volontaires pour la recherche médicale. Alors évidemment, la recherche c'est très encadré et donc les gens sont vraiment extrêmement bien surveillés et on a une attention toute particulière pour ces personnes. Ils vont être suivis au long cours, donc ils vont donner un petit peu de leur temps et des informations qui sont très précieuses sur les symptômes qu'ils vont ressentir ou des choses que nous allons pouvoir recueillir grâce à eux, par exemple des prélèvements biologiques sanguins, des protéines, des lipides, des la génétique, etc. Des données d'imagerie. Les données d'imagerie sont extrêmement précieuses puisque tout à l'heure Étienne Hirsch nous parlait de ces cellules nerveuses atteintes et surtout de ces structures qui pouvaient être atteintes. Or en fait, les nouvelles technologies de l'imagerie vont permettre de distinguer parfaitement bien ces structures, de créer même des modèles d'imagerie permettant de mieux les cerner et donc de quantifier l'intensité des altérations que ces structures peuvent avoir. Si on ne regarde que la structure n'est qu'un caillou sur une plage. Ce qui est important, c'est l'ensemble de la marée. Donc en fait, on va regarder l'ensemble du circuit dans lequel cette structure va être impliquée. Et donc si on étudie les circuits, on va donc parler d'imagerie fonctionnelle. Puis ensuite, on va essayer de lier cela aux symptômes des sujets. Et donc en fait, c'est là où les choses deviennent plus importantes, puisque ce que l'on faisait déjà de manière humaine, c'est-à-dire lier un dysfonctionnement de circuit, une altération de structure à un symptôme, nous permet de savoir qu'on a un lien entre la perte neuronale et le symptôme, et parfois un lien entre la perte neuronale dans une structure et un symptôme auquel on ne s'attendrait pas, mais qui est corrélé. Par exemple, troubles de la marche et des paramètres physiologiques très simples de mouvement des yeux, où on mesure des petites temps de latence entre le moment où l'œil est immobile et l'œil a bougé. Donc toutes ces données biologiques, imagerie, d'observation clinique vont être mises dans un énorme fichier, lequel va être donné de manière sans a priori, c'est-à-dire nous on sait quel est le diagnostic de la maladie, mais on a une limite, on ne peut pas prédire. Et donc sans a priori, les chercheurs, Stanley Durleman, les équipes qui les entourent, vont faire une exploitation, une exploration de ces données avec des algorithmes, essayer de sortir des choses auxquelles nous n'aurions pas pensé et qui vont être les prochains phares, les prochains indices de demain. Et ce qui est intéressant, hein, c'est que, alors ça fait un petit bout de temps que c'est dans le collimateur de la recherche, on en avait parlé aussi ici, ce qu'on entend dans ce qui vient d'être dit dans le reportage, c'est l'importance de l'inflammation, le lien entre la maladie de Parkinson et les inflammations chroniques, notamment des intestins. Aujourd'hui, cette question de l'inflammation est au centre d'un certain nombre de projets de recherche. Oui, on sait maintenant que la maladie de Parkinson n'est pas une maladie purement neuronale. On sait que des cellules immunitaires jouent un rôle majeur dans le développement de la maladie de Parkinson. C'est probablement pas une maladie immunitaire à proprement parler, parce que la cause initiale n'est pas une cause environnementale liée en fait au phénomène d'inflammation. Mais l'activation du système immunitaire est probablement la cause d'une dégénérescence neuronale qui va dire aux cellules immunitaires « il se passe quelque chose dans le cerveau, il faut agir ». Et ces cellules immunitaires vont aller tuer les neurones qui sont en cours de dégénérescence et comme ça exacerber en fait le processus. C'est-à-dire que cette réaction inflammatoire est très probablement une sorte de cercle vicieux qui est la conséquence de la mort neuronale. Mais ça présente un intérêt tout à fait particulier parce que dans des modèles expérimentaux de la maladie, on a pu montrer qu'en agissant sur ces cellules immunitaires, on va pouvoir ralentir l'évolution de la maladie. Donc c'est une piste qui est particulièrement intéressante au plan thérapeutique. Il y a cependant une très grande difficulté, c'est-à-dire lorsqu'on va dans la vraie vie, il faut savoir que les anti-inflammatoires chez les personnes âgées, ça crée des problèmes gastriques. Et donc il va falloir trouver un moyen pour que ces anti-inflammatoires aillent agir dans le cerveau, mais pas en périphérie. Et ça, c'est un problème général lorsqu'on veut développer des médicaments pour les maladies neurodégénératives. Il faut les envoyer au bon endroit, dans le cerveau, dans la bonne région du cerveau. Et ça, ce sont des choses qu'on a encore du mal à faire. Et il faut qu'ils passent, parce qu'on sait que cette fameuse barrière hémato-encéphalique est tout de même une grande protection et qu'elle est parfois difficile à contourner. J'aimerais qu'on parle tout de même, pour conclure cette émission, dans le gros quart d'heure qui nous reste, des traitements. Évidemment, il faut dire aujourd'hui que si on ne sait pas interrompre la dégénérescence neuronale, il y a aujourd'hui des traitements qui permettent d'amoindrir les effets physiques et les principaux symptômes, et donc d'atténuer en grande partie le développement des symptômes, notamment des tremblements et des symptômes psychomoteurs qu'on n'a pas évoqués, mais qui sont ceux qui sont traditionnellement connus de la maladie de Parkinson. Oui, effectivement, nous ne sommes pas complètement orphelins de traitement dans la maladie de Parkinson, même si, effectivement, vu du côté de la personne malade, ça n'est jamais complètement suffisant pour se retrouver parfaitement proche de son état normal antérieur. Ceci étant, puisque nous sommes face à une maladie dans laquelle il y a une défaillance des neurones qui fabriquent la dopamine, on va donc avoir tous les apports qui peuvent favoriser l'action, le remplacement ou les analogues de ce système de dopamine. Donc la L-Dopa, un vieux produit qui est plus âgé que vous et moi, les agonistes dopaminergiques qui sont très connus et dont il faut faire une juste prescription pour avoir à la fois un effet bénéfique et pas les fameux effets secondaires qui ont été malheureusement popularisé avec le jeu pathologique et plein d'excès très néfastes, très délétères. Oui, des comportements comportementaux assez importants, et addictifs, on voyait voilà, addictifs, des addictions au jeu notamment, et un certain nombre de produits. Donc là, on restait beaucoup dans le système dopaminergique et qui a trouvé son succès, qui est maintenant au maximum de ce qu'il peut faire, mais aussi ses limites, puisque nous avons appris tout à l'heure qu'il y avait d'autres types de neurones qui souffraient, et d'autres cellules comme les cellules gliales, les cellules de l'immunité, etc. Donc, sur les autres cellules, celles qui vont par exemple être à l'origine de troubles de la marche ou des troubles de la cognition, c'est-à-dire en fait du déclin intellectuel ou des troubles de concentration, là on n'a pas vraiment de produits qui vont avoir une action décisive. On a des petites choses, mais pas suffisant pour que ce soit majeur. Ceci étant, ce sont des neurones qui sont extrêmement utiles parce que ce sont des grandes fonctions qui vont faire le handicap du sujet à long terme. Les troubles de la marche, les chutes, les troubles de la concentration, les troubles intellectuels ultérieurement. Alors, on a des pistes, parce que là, vous me dites, ah bah oui, vous êtes mignonne, mais vous n'avez pas grand-chose. Donc, c'est vous qui le dites, moi, je ne le dis pas. Mais voilà, effectivement, abordons les pistes de recherche. Voilà, les pistes de recherche. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'alpha-synucléine. Donc, il y a en cours une étude sur le fait de faire une sorte d'immunisation passive ou active contre cette alpha-synucléine anormale, puisqu'il ne faut pas se débarrasser de celle qui est normale et qui sert et qui est très utile. La fameuse protéine mal conformée qui s'accumule et qui crée la dégénérescence. Celle qui se met en fibrille, en fagot et qui se coince dans les cellules. Et puis, on a d'autres choses qui sont peut-être plus proches de nous, qui sont ce que l'on appelle la réutilisation de produits déjà existants. Donc la retransposition de produits, par exemple certains médicaments qui sont utilisés dans le diabète. Et par ces produits qui sont de deuxième ligne du diabète, des produits injectables, sont maintenant en étude et peuvent montrer non seulement peut-être un effet symptomatique, mais peut-être un effet protecteur sur le long terme. Là encore, les études ont été faites chez l'animal, premières études préliminaires chez l'homme, études encore en cours, il ne faut pas que les gens s'emballent tout de suite, mais c'est une piste avec un court terme, si elle se confirme, qui est plus proche que les autres produits qui sont encore dans le domaine de la recherche fondamentale. On est en essai clinique de phase 1, c'est cela ? Deux. En phase 2. Voilà, on le sait, alors on le répète évidemment à chaque fois qu'on parle de maladie, de pathologie et de traitement. Évidemment, il ne faut jamais s'enflammer, les essais cliniques, les essais précliniques, tout ça devrait être à peu près familier aux auditeurs de la méthode scientifique. Oui, vous voulez dire un mot ? Oui, je voulais dire un autre mot. Il y a un truc très simple, parce qu'on a parlé tout à l'heure des facteurs qui diminuent le risque de maladie de Parkinson. Et je pense qu'il est très important que les gens sachent qu'ils peuvent utiliser ces systèmes de compensation. Tout à l'heure, Étienne Hirsch en a parlé en introduction, en disant si le cerveau ne compensait pas, on aurait des symptômes tout de suite, alors qu'on met beaucoup de temps, 5 ans, 6 ans, peut-être 10 ans, avant que les symptômes ne se révèlent, alors même que les cellules sont malades. De même, une fois que nous sommes malades, eh bien, nous devons aussi mettre en jeu ces circuits de compensation qui sont toujours là, qui sont salvateurs, qui sont vraiment utiles, comme l'exercice physique. Alors bien sûr, on a décrit le tai chi, la danse, j'en passe en fait. Mais aussi l'orthophonie, tout ce qui va faire le vélo, fonctionner. La marche nordique, voilà. Etc. Mais c'est plus qu'un gadget, c'est vraiment quelque chose dont on voit que les sujets ont un bénéfice. Et ça, c'est très simple et ça ne coûte pas cher. Que pour continuer sur ces pistes de recherche, alors il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie évidemment pharmacologique, médicamenteuse, et puis on parle aussi beaucoup, Étienne Hirsch, de stimulation cérébrale profonde, alors avec des résultats inégaux, mais quelques résultats malgré tout encourageants. La stimulation cérébrale profonde consiste à implanter une électrode dans le cerveau du patient, en fonction du symptôme que l'on veut corriger dans une zone tout à fait particulière du cerveau. Mais ce qui est le plus utilisé, en fait, c'est la stimulation cérébrale profonde dans un noyau qu'on appelle le noyau subthalamique. C'est une toute petite région du cerveau dont l'activité est très, très l'activité électrique est très, très fortement augmentée dans la maladie de Parkinson. Et chez un tout petit nombre de patients, on peut implanter des électrodes pour corriger en fait les signes moteurs de la maladie de Parkinson chez ces patients. Alors il faut que ce soit une dégénérescence très très pure des neurones dopaminergiques. S'il y a d'autres symptômes comme des troubles du comportement, détérioration intellectuelle ou si le patient est trop âgé, on ne peut pas utiliser cette méthode. L'idée, c'est peut-être d'identifier d'autres cibles dans le cerveau, d'autres régions dont le dysfonctionnement est associé à un symptôme particulier dans la maladie, pour peut-être essayer maintenant de transposer cette méthode à d'autres symptômes. C'est important de bien préciser que ça concerne un tout petit nombre de patients, parce que par ailleurs, les études qui sont publiées sur cette stimulation cérébrale profonde dans ces cas particuliers donnent des résultats tout à fait spectaculaires. C'est vrai. Mais là encore, vous le disiez tout à l'heure à propos de l'intelligence artificielle et de la prédiction, on sait que à peu près 50% des symptômes vont être améliorés par cette stimulation, parfois plus. Mais justement, entre le 50% et le parfois plus, c'est difficile de prédire pour un individu donné. Donc, ce sont des études qui sont positives et des gens qui sont très bien et d'autres qui sont juste bien. Le plus important, ça c'est d'abord ça, c'est-à-dire d'être la personne, la bonne personne pour le bon traitement. Donc, en fait, ne pas être traité et que ça soit dans des conditions qui sont déjà un petit peu précarisées, comme si on a déjà des troubles de la marche, des troubles de la concentration, ou au contraire d'être laissé de côté alors qu'on pourra en bénéficier. La deuxième question, c'est est-ce que ça dure au cours du temps? Et donc, il y a des études au long cours qui ont été faites dans de nombreux pays, comme Early Steam, qui est une étude franco-allemande. Mmh. Et justement, la recherche est en cours pour savoir si au bout de 10 ans, les personnes vont garder un résultat stable. Et la deuxième chose, il y a une étude qui s'appelle maintenant Predisteam. Et Predisteam, c'est justement de savoir si on peut prédire, a posteriori bien sûr, mais en tout cas on peut tirer de ces études, sur l'étude de tous les patients qui sont opérés actuellement en France, des indices qui nous diront, celui-ci va avoir un résultat formidable, celui-là on peut déjà lui dire que ce sera 50% et qu'il faut qu'il se fasse déjà un petit peu plus à l'idée de ça. Si on peut effectivement anticiper les résultats de ce type de stimulation cérébrale profonde, qui sont tout de même des méthodes relativement invasives, même si elles peuvent avoir de très bons résultats, mais qui encore une fois concernent certains cas particuliers. J'aimerais avoir aussi votre sentiment sur tout ce qui concerne la thérapie cellulaire, avec notamment la production de cellules dopaminergiques à partir de cellules souches embryonnaires. Là-dessus, Étienne Hirsch, un mot. Je serais beaucoup plus réservé. Les résultats sont beaucoup plus mitigés. Ouais. Je serais beaucoup plus réservé sur le principe même. Parce que, comme nous l'avons vu, la maladie de Parkinson est une maladie qui touche d'autres neurones que les neurones dopaminergiques. Et l'idée de cette thérapie est de réimplanter dans le cerveau des neurones dopaminergiques. Or, réimplanter des neurones dopaminergiques, certes, ça va servir, mais comme l'a très bien expliqué Marie Vidaillé, on a des moyens pharmacologiques, la L-DOPA, les agonistes dopaminergiques, pour corriger les symptômes qui sont dus à la mort de ces neurones dopaminergiques. Donc, si on réinjecte des neurones dopaminergiques, premièrement, on ne va pas corriger les symptômes qui sont dus à des lésions non dopaminergiques, comme les troubles cognitifs, comme les troubles de la marche, comme l'anosmie, comme les troubles du sommeil, la perte sommeil, de l'odorat. Et puis deuxièmement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans le cas de greffe de cellules fœtales, cette alpha-synucléine, cette protéine qui a une mauvaise conformation, va pouvoir attaquer en fait les cellules qui ont été greffées. Donc sur le principe même, c'est intéressant au plan scientifique. En termes de résultats, je ne suis pas persuadé que cette technique ait un bénéfice sur l'ensemble des symptômes et deuxièmement que ça dure très très longtemps. Une autre piste encore intéressante, et puis on y avait là aussi consacré une émission assez récemment, il y a quelques semaines, sur les anticorps monoclonaux et l'immunothérapie pour aller détruire précisément les dépôts de protéines. Qui veut parler de cette piste, Marie Vidaillé? Alors, je crois qu'on pourra en parler tous les deux. C'est une piste, effectivement, qui intuitivement serait la meilleure, puisqu'on a dit, finalement, on s'attaque au cœur, un des cœurs du problème, c'est-à-dire, en fait, ce qui va léser non seulement les cellules à dopamine, mais les cellules autres qui ont d'autres neurotransmetteurs et dont vous avez vu qu'elles étaient beaucoup moins accessibles aux thérapeutiques que nous avons en main, aussi bien les médicaments que la stimulation cérébrale profonde. Mais en fait, on ne sait pas très bien si, comme j'ai dit, un des cœurs, est-ce que si on s'attaque à ce phénomène-là, d'abord, nous ne sommes pas trop en retard, puisque les protéines se sont déjà mises en petits paquets de fibrilles, et donc elles sont déjà coincées dans la cellule. Est-ce que ces anticorps qui se mettront au moment où les cellules se mettent en fibrilles, est-ce que c'est suffisamment puissant? Est-ce que finalement, ça ne va pas être agressif en réaction, avec une réaction immunologique? Et est-ce que ça va être suffisamment puissant pour aller dans les zones cérébrales qui nous préoccupent, c'est-à-dire celles qui ne sont pas les cellules à dopamine et qui, vous avez vu, sont le problème à la fin du compte. Donc, là encore, je trouve ça fascinant sur le plan scientifique. Peut-être aurons-nous une remarquable surprise, peut-être aurons-nous simplement un succès d'estime. C'est à voir, l'étude est en cours. Étienne Hirsch. Oui, je pense que c'est une technique qui va nous apprendre beaucoup sur les mécanismes physiopathologiques, sur les mécanismes de mort neuronale. Et c'est vrai que l'approche est particulièrement intéressante parce qu'elle permettra d'atteindre plusieurs zones cérébrales en même temps. Pour autant, comme on l'a déjà mentionné, il y a d'autres phénomènes. Les neurones meurent parce que la production énergétique n'est pas suffisante, parce qu'il y a des phénomènes inflammatoires. Et donc, très probablement, il faudra plutôt agir avec des cocktails de molécules qui vont agir sur des mécanismes différents. Et c'est là où, à nouveau, l'analyse mathématique de ces facteurs devrait nous permettre d'identifier en fait les cibles sur lesquelles il faut agir. Et c'est particulièrement difficile en termes de développement du médicament parce que lorsque on veut agir avec des cocktails de molécules, il faut analyser toutes les interactions entre ces molécules. Et il y a des chimistes que moi je trouve assez rusés en fait, qui passent leur temps à jouer au Lego en greffant des molécules différentes sur la même entité chimique. Et ça, je crois que ça peut simplifier la vie. Donc, peut-être que ces anticorps seront particulièrement intéressants, mais associés à des agents pharmacologiques qui vont cibler les autres mécanismes de la neurodégénérescence. Pour conclure sur cette question des traitements, on voit que, quelles que soient les méthodes employées, qu'il s'agisse de l'immunothérapie, de la stimulation profonde, des médicaments simplement qui viennent se substituer à la dopamine, il n'y a pour le moment pas de piste de recherche sérieuse ou prometteuse pour interrompre ou ralentir tout du moins la dégénérescence neuronale, s'il y en a quelques-unes. On vient de mentionner ces anticorps. Mmh. Typiquement, c'est quelque chose qui peut agir, si c'est efficace, sur la progression de la maladie. On a mentionné des molécules qui peuvent stimuler la production énergétique. Si ça marche, ça peut agir sur la progression de la maladie. Marie Vidaillé a mentionné des antidiabétiques. Si ça marche, ça peut aussi agir. Et certains agissent directement, même sur la neuro-inflammation. Donc interrompre totalement la destruction neuronale. En tout cas, la ralentir, et c'est l'espoir que nous avons. Marie Vidaillé. Oui, je pense qu'effectivement, c'est une période qui est extrêmement riche. Et je pense que dans les 10 dernières années, il y a eu des efforts énormes en matière de recherche. Et là, on commence à en voir les premières pousses. Donc, nous, on vit une époque formidable, si j'ose dire. Bien sûr, elle est encore un petit peu jeune, cette époque, puisqu'on n'en a pas les fruits, mais c'est très important. Et d'autre part, l'idée, c'est vraiment, si ne serait-ce que si on ralentit ou si on amoindrit un petit peu la progression de la maladie, là, on peut rajouter par-dessus la compensation. Donc, l'idée, c'est que les gens vivent, mettons, dans un certain plateau de la maladie, qui soit tolérable, qui soit atteignable par les médicaments classiques, et c'est déjà beaucoup. Si on reprend les maladies du poumon, les maladies du cœur, pardon, les pneumologues et les cardiologues, c'est ce qu'on fait. On met les gens dans un état dans lequel ils peuvent vivre le plus confortablement possible, et très modestement, pour l'instant, c'est déjà un but qui est très honorable. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les deux. Merci Marie Vidaillé. Merci Étienne Hirsch d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver évidemment, comme chaque jour, l'émission sur la page de l'émission sur franceculture.fr ainsi que sur notre fil Twitter @lamethodefc. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Villefranc, Eve Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Pascal Baudin à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, c'est comme chaque lundi, une nouvelle série de documentaire qui commence et qui nous tient à cœur aujourd'hui puisque c'est une série qui s'intitule Voyage en Agnotologie, exactement, le pays de la science et de l'ignorance, qui est une série signée Franck Cuveillé et Rafik Zénine, qui est déclinée tout au long de la semaine pour accompagner la sortie d'un nouveau podcast sur France Culture dont j'ai le plaisir d'être le coordinateur et le producteur. Ça s'appelle Les Idées Claires, c'est un podcast de 9 minutes accompagné d'un format vidéo de 4 minutes que vous pourrez retrouver sur le site de franceculture.fr et qui va consister à prendre des fake news, des fausses informations, des idées reçues scientifiques et d'essayer de comprendre comment elles s'organisent et comment on peut aller à leur rencontre. Voilà, ce sera toutes les semaines à partir de maintenant sur franceculture.fr. Puis tout à l'heure, à 18h, ce sera l'heure du grain à moudre pour ce qui nous concerne demain. 1er mai, nous serons au rendez-vous bon pied bon oeil en direct pour parler de ces mondes lointains, plus ou moins similaires à la Terre, que nous sommes sur le point de percer à jour pour y trouver peut-être des traces de vie. Émission consacrée aux exoplanètes, demain à 16h. Jusqu'à preuve du contraire.